Are you ready? Wine and go down. You see me? Yeah. To the wine, it is a go down. You see me, I say. Yeah, man. Come on, everybody. Sens-tu la pelure de mon regard fiévreux glisser lentement sur ton corps? Tu crois me cacher tes désirs, tous tes trésors. À vouloir m'échapper, tu risques de ruiner tes efforts. Besoin de m'enflammer, mes désirs apaisés. Je ne rêve que de te posséder. Fantasmes que tu devines. Je veux accéder à tes rêves les plus intimes. De la dentelle fine pour habiller ces envies profondes qui nous lancinent. Besoin de t'enflammer, mes désirs apaisés. Je ne rêve que de te posséder. Qu'on dévoile qu'avec des caresses. Chuchote-moi des mots, je serai ton anti-stress. Elle veut du style, elle veut de la musique, tout c'est romantique. Elle veut un homme qui la fasse kiffer sans faire de timinique. Peu importe ta technique, faut rester poétique. Avoir le sens de la rime et le sens de la rythmique. Qu'elle remue ton corps de haut en bas. Si t'as le flow qu'il faut, ne stresse pas. Ma musique, elle est faite pour toi, pour nous réunir, toi et moi. Soif de musique, son romantique, love and magic, pas électrique. Soif de musique, son romantique, sensuel et chic, pas électrique. Soif de musique, son romantique, love and magic, pas électrique. Côté-moi, chérie, pour moi aimer. Viens côté-moi, chérie, pour moi aimer. Soif de musique.